Document 13. Venise. Ça sent bon. Qu'est-ce que c'est? Un tagine, un pot-au-feu, des lasagnes et une ratatouille. Je cuisine depuis 8 heures du matin. J'épluche, je lave, je coupe depuis au moins 5 heures. Mais pourquoi tout ça? Parce que nous partons à Venise pour 8 jours. Les garçons restent ici. Je cuisine pour eux. 4 plats pour 8 jours, 2 repas par jour. À cet âge, on mange beaucoup. Vous partez quand? Le taxi arrive dans 2 heures. Carlos fait les valises pendant que je cuisine. Dans 5 minutes, tout sera prêt. Je ne te comprends pas. Au lieu de te préparer, tu cuisines pendant 5 heures pour des garçons de 16 ans qui vont avaler ça en 5 minutes. Tu ne sais pas qu'une pizza surgelée est prête en 10 minutes et qu'on peut faire tout ce qu'on veut en 3 minutes au micro-ondes? Tu as raison, mais j'aime ça. Et comme ça, ils mangeront des légumes.